Allez, accroche-toi. Pas besoin de locomotive pour partir ailleurs, ni de neige dans la veine majeure. Un seul mot, teach rock and roll. Pour les teenagers, la seule idole. C'est ta culture. La même électricité dans les guitares et la fureur de vivre dans le regard. Non pas de bébé. Non pas de bébé. Non pas de bébé. Non pas de bébé. Écoutez pourquoi. Allongez, je vous en prie. Allez me chercher le dernier LP et m'accrocher à un restant d'humanité.